Bismillah wa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a huda. Ma ba'du, aujourd'hui le 4 du mois de Al-Muharram de l'année 1442 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le troisième cours traitant de l'explication du commentaire de ce livre Al-Qawaid Al-Arba', les quatre règles de Cheikh Al-Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous étions arrivés à la quatrième règle, pardon, à la deuxième règle, cette règle traitant de l'intercession. Comme à notre habitude, nous lirons la règle en arabe pour ceux qui veulent apprendre le matn, ce dont nous vous appelons, et après je lirai en français la traduction approximative avant de commencer le commentaire. Il dit rahimahullah ta'ala al-qa'ida al-thaniya annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talab al-qurbati wash-shafa'ah fa dalilu al-qurbati qawlu Allah ta'ala والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. La traduction approximative de ces paroles, rahimahullah ta'ala, la deuxième règle. Ils disent, c'est-à-dire, al-mushrikoun, c'est les associateurs, ils disent, nous ne les invoquons et nous ne nous adressons à eux que pour demander qu'ils nous rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent en notre faveur. Et la preuve de leur demande de Al-Qurba, le rapprochement, est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Et la preuve de leur demande d'intercession est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles « Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter » et ils disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » L'intercession est de deux sortes. L'intercession réfutée et niée, et l'autre, celle qui est affirmée. L'intercession réfutée et niée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah, pour une chose que seul Allah peut réaliser. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, « Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. » Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Et l'intercession affirmée est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur est honoré par son intercession et dont Allah agrée ses paroles et ses actes. Ou dont Allah agrée des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Après sa permission, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Nous avions commencé au cours dernier la première partie ou le commentaire de la première partie de cette règle. Nous avions dit qu'après que Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous nous a mis en évidence dans la première règle que les associateurs qu'il combattit croyaient en la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ceci ne les fit pas rentrer en islam. Et il nous explique dans cette deuxième règle en quoi ces associateurs associés à Allah tabaraka wa ta'ala, quelle était le sort, la sorte pardon, de leur association. Ils disaient, comme nous l'avons lu ici, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander qu'ils nous rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent ou qu'ils intercèdent en notre faveur. Ceci était leur association. Ils prenaient ces idoles, ils prenaient ces divinités afin que, d'après ce qu'ils prétendent, ces derniers les rapprochent d'Allah. Comme nous l'avons vu dans la première règle, ceux-là, ces associateurs, reconnaissaient l'existence d'Allah, que c'était le Créateur, que c'était lui qui accordait la subsistance, que c'était celui qui donnait la vie et la mort. Mais ils prenaient ces idoles et ils les adoraient afin que ces derniers les rapprochent, selon leur dire et selon leur prétention, d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et afin qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, nous explique dans cette règle quelle était leur sorte d'association. Et nous avions détaillé ce qu'était la demande de rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous avions détaillé en particulier ce qu'était l'intercession. Les questions-réponses concernant ce cours et le cours de la semaine dernière se feront, inshallah, à la fin du cours entre l'adhan et l'iqama ou après la prière, inshallah ta'ala. Donc nous avions dit, rapidement pour réviser, nous avions dit que al-shafa'a, c'était le fait de rendre ce qui était père impair. Ça vient de al-shafa'a, l'impair, qui est l'inverse de l'witr, qui est le père. Donc al-shafa'a, c'était le fait de rendre ce qui était père impair. Et shar'an, c'est-à-dire du point de vue de la législation, dans un nous dirons que Ash-Shafa'a, c'est le fait d'intervenir en faveur d'un tierce, intervenir en faveur d'un autre, pour l'obtention d'un bien et afin de repousser un mal. Ceci est Ash-Shafa'a. Nous avions dit que Ash-Shafa'a se divisait en deux, comme le dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ici. L'intercession réfutée et niée, al-shafa'atul manfiyya, et l'intercession affirmée, al-shafa'atul musbata. Ces choses sont des choses à apprendre par cœur, habadakum Allah. L'intercession se divise en deux sortes. Puis, avant d'expliquer ces deux sortes, nous dirons qu'il y a aussi une intercession qui est acceptée concernant les choses de ce bas monde. Comme cela, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif, intercédez, vous serez par cela rétribué. Ishfa'u tu'jaru. Comme cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité, et Allah est puissant sur toute chose. Le verset numéro 85 de Surat An-Nisa, les femmes, la Surat numéro 4. Ceci nous montre que l'intercession est une chose connue, une chose autorisée dans ce qui est des œuvres de ce bas monde. Et cette intercession sera tolérée et autorisée lorsque la personne qui intercédera sera vivante, sera capable de donner cette intercession et sera présente. Hay, Khadir, Moujoud, il sera vivant, capable et présente. C'est-à-dire qu'une personne qui sera morte, à partir du moment où une personne vient demander à cette personne qui est morte, accorde-moi ou intercède auprès de un tel, ici on parle des œuvres de ce bas monde, c'est-à-dire l'intercession qu'il y aura entre deux personnes. Par exemple, si tu veux faire rentrer, par exemple, ton fils dans une telle et telle école, par exemple. Ou si toi-même tu veux rentrer dans une école, comme cela se fait, comme vous le savez, dans des universités, tu vas voir une personne pour lui demander d'intercéder en ta faveur, en fonction de tes bonnes notes, de tes bons résultats, des bons résultats de ton enfant, etc., etc. Donc, ceci est une intercession que la personne va faire. Ou même pour rentrer dans un travail, tu vas voir une personne et tu lui dis intercède auprès de moi, pour moi auprès du patron de ce travail, dis-lui que j'ai besoin de travailler et que je suis tel et tel comme cela, comme tu me connais. Ceci est une intercession qui est autorisée. C'est celle-là qui est visée dans ce verset que j'ai lu précédemment et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai évoquée, et elle sera valide dans lorsqu'elle réunira ces trois conditions, c'est-à-dire que la personne qui intercédera sera vivante, capable et présente. C'est-à-dire qu'une personne qui est morte, si une personne va demander à celle-ci intercède auprès de moi auprès d'un tel ou pour moi auprès d'un tel, ceci, comme vous le voyez, n'est pas valide, il n'y a pas de doute. Une personne qui est capable, c'est-à-dire que si elle n'est pas capable, cette intercession ne sera pas valide. Et si elle est présente, ceci, si elle est présente, comme par exemple le fait qu'elle soit devant toi, tu lui parles, elle est présente, pas une personne qui est dans un autre pays, à la manière de As-Soufiya. Et cette intercession sera valable lorsqu'elle réunira ces trois conditions, auquel cas elle ne sera pas valable, et elle peut emmener la personne vers de l'association. Revenons ici à ces deux sortes de shafa'a, ces deux sortes d'intercessions qui ont été évoquées par Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Donc l'intercession réfutée et niée et l'intercession affirmée. Nous dirons que l'intercession réfutée et niée, shafa'at al-manfiyya, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Celle qui est demandée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, comme le dit Cheikh Al-Fouzan, Hafidhahullah ta'ala, c'est celle qui est demandée sans l'aval, sans l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que personne ne pourra intercéder auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sans sa permission. Lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, le jour du jugement, lorsque l'on viendra le voir pour lui demander d'intercéder afin que le jugement commence, comme dans ce hadith qui est rapporté dans As-Sahih, lui-même ira se prosterner devant le trône d'Allah tabaraka, devant Allah tabaraka wa ta'ala, devant son trône. Et il l'invoquera et fera ses éloges jusqu'à ce que ce dernier, subhanahu wa ta'ala, lui dira dans le sens de ses paroles, lève ta tête, demande, il te sera accordé, et demande d'intercéder et je te ferai intercéder. Nous voyons dans cela que personne ne peut intercéder et ne peut demander l'intercession que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci nous emmène à expliquer la deuxième intercession, qui est l'intercession affirmée, ash-shafa'atul muthbata, cette dernière qui a deux conditions. Premièrement, l'intercession affirmée est, comme le dit Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, dans le livre, il nous dit: et l'intercession affirmée est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur est honoré par son intercession et dont Allah agrée des paroles et des actes de celui pour qui on intercède après sa permission. Ici donc, Cheikhoul Islam nous explique, nous détaille ce qu'est cette intercession qui est affirmée et il nous donne en plus ses conditions. Ces deux conditions qui sont, la première, l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui intercède. L'autorisation d'Allah Azza wa Jal pour celui qui intercède, c'est-à-dire qu'il l'autorise à intercéder en la faveur de celui pour qui il intercède. La deuxième condition, le fait qu'Allah Azza wa Jal agrée le fait qu'Allah Azza wa Jal agrée celui pour qui on intercède. Celui pour qui on intercède. Ici, on pourra se demander pourquoi cette personne pour qui on intercède a besoin qu'on l'agrée. Pardon. Ici, on pourra se demander pourquoi cette personne pour qui on intercède, si elle est agréée par Allah Azza wa Jal, pourquoi a-t-elle besoin d'intercession? Ceci est une question importante. Nous avons dit que parmi ces conditions, ces deux conditions, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala agrée celui pour qui on intercède. Nous pourrons nous demander pourquoi cette personne a besoin d'intercession si Allah Azza wa Jal l'agrée. Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Tfadda. Non, ici on parle de celui pour qui on intercédera. Celui pour qui on intercédera, afin que cette intercession soit valide, il faudra que Allah Azza wa Jal donne son autorisation à celui qui intercède, et la deuxième condition, que Allah Tabaraka wa Ta'ala agrée celui en faveur duquel on intercédera. Mais si cette dernière demande ou a besoin de l'intercession, comment nous pouvons dire que cette dernière est elle-même agréée? Pourquoi donc a-t-elle besoin d'intercession? Hakim. Ahsant. Ahsant. Ce qui est voulu par l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala ici, c'est le fait qu'Allah azza wa jalla agrée sa religion, le fait qu'il est monothéiste, qu'il est muwahhid. Ceci fait partie des conditions afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala, des deux conditions afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde cette intercession. C'est-à-dire que donc la première condition de l'intercession, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde, donne l'autorisation à la personne qui donnera son intercession d'intercéder. La deuxième condition, que cette personne en faveur de laquelle on intercède soit quelqu'un qui soit agréé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'elle soit agréée ne veut pas dire que c'est une personne qui est exempte de péché, ne veut pas dire que c'est une personne qui n'aura pas besoin de cette intercession. Plutôt, cela veut dire ici, cette condition est que ce dernier soit monothéiste, que ce dernier soit muwahhid, qu'il adore Allah seul et sans associé, qu'il ne fasse pas partie des associateurs des mouchriquines. Voici les deux conditions de l'intercession affirmée. Et Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ici, cita la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission, comme cela, parmi les preuves de ce que nous avons cité, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles dans Sourate al-Najm, la Sourate de l'étoile, la Sourate numéro 53, le verset numéro 26, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles: et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Comme cela, l'imam Ibn al-Qayyim dit, dans le sens approximatif de ses paroles, ceux-ci sont trois fondements. Le fait qu'il n'y a pas d'intercession sans l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait que ce dernier ne donne son autorisation que à celui dont il agréera sa parole et ses actes. Et le fait qu'Allah azza wa jalla n'agrée, parmi les paroles et les actes, que ce qui est fait avec unicité, avec tawhid et avec le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous terminerons ici le cours en disant que As-Soufiyya, les soufis. Se sont détachés ou démarqués des gens de la sunna en affirmant al-shafa'a, l'intercession, pour celui qui ne fait pas partie des gens de l'intercession. Ou ils se sont démarqués, détachés des gens de la sunna, différenciés d'eux en demandant al-shafa'a, l'intercession, à ces derniers directement. C'est-à-dire qu'ils demandent directement l'intercession à ces derniers, alors que l'intercession, comme nous l'avons vu ici, ne se demande qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, cela nous amène à une chose très importante. Nous avons cité dans le cours précédent la croyance des gens de la sunna concernant al-shafa'a. Nous avons cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détenait plusieurs shafa'at, comme cela les anges, comme cela les croyants. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam détient une shafa'a ou plusieurs shafa'at, comment une personne demandera cette shafa'a, que Allah Azza wa Jalla lui accorde cette shafa'a? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla est le seul qui détient al-shafa'a, qui détient l'intercession. Et il accorda au prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs sortes d'intercession. Comment cette demande devra se faire? Ici, nous venons de parler de Soufiya, qui, pour certains d'entre eux en tout cas, demande l'intercession directement à ces gens qu'ils estiment comme étant des gens d'intercession, des pieux, comme nous l'avons cité dans les cours précédents, ce qu'ils appellent El Aouliya ou Siyed, ou etc. Il leur demande directement. Comment une personne, lorsqu'elle désire l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devra le demander? Kif? Comment? Bid-du'a. Fadal Kamel. Ahsant. Jazakallah khair. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui le seul qui détient l'intercession. Nous demandons à Allah azawajal qu'il fasse intercéder pour nous son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu diras Allahumma shaffi' fiyya Rasulaka sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais que ton prophète, que ton messager intercède en ma faveur. Et en aucun cas tu demanderas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en ta faveur directement, car à ce moment-là tu l'auras invoqué, lui qui est mort sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui auras dit, tu l'auras invoqué en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu demandes à Allah, le seul qui détient l'intercession, de faire intercéder son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toi. Mais en aucun cas, tu ne demanderas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il détient une intercession, mais cette intercession, il la détient. Pourquoi? Car Allah azza wa jalla lui a accordé. Donc ces derniers, as-soufiya, qui se sont détachés, qui ont contredit les gens de la sunna, soit en demandant al-shafa'a à ceux qui ne méritent pas, al-shafa'a, qui ne la détiennent pas, ou en leur demandant directement l'intercession. Comme cela, ceux qui se sont détachés et qui ont été à l'encontre, qui ont contredit les gens de la sunna, nous voyons ce que nous avons appelé précédemment al-wa'idiyya. Al-wa'idiyya qui sont al-khawarij ou al-mu'tazila. Nous avons parlé d'eux précédemment, nous dirons que ces derniers n'ont pas affirmé al-shafa'a, n'ont pas affirmé l'intercession. Pour certains d'entre eux n'ont pas affirmé la moindre intercession, c'est-à-dire que certains parmi les khawarij, comme nous le verrons dans la parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah un peu plus loin, n'ont pas affirmé l'intercession, c'est-à-dire qu'ils n'affirment, qu'ils ne reconnaissent aucune intercession. Et pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas reconnu l'intercession pour les pervers et les désobéissants de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les monothéistes. Ici, nous rappellerons une parole qui est très importante, le fait qu'il est venu dans les textes que Allah Azza wa Jal donne une intercession à ceux qui intercèdent pour des peuples qui seront rentrés en enfer, des peuples qui seront rentrés en enfer et qui seront devenus comme du charbon. C'est-à-dire qu'ils auront brûlé jusqu'à devenir comme du charbon. Et ces derniers sortiront de l'enfer par la cause de cette intercession qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura donnée à ses intercesseurs. Puis ils rentreront au paradis. Ils seront jetés ou ils seront déposés dans un fleuve qu'on appelle le fleuve de la vie, Nahrul Hayah. Ceci a été rapporté dans nombre de hadiths, comme nous allons le citer un peu plus loin. Et lorsqu'ils seront déposés ou jetés dans ce fleuve de la vie, ils renaîtront comme renaît ou comme naît la graine lorsqu'elle est mise dans de l'eau. Ici, nous dirons aussi que parmi la croyance des gens de la Sunna, le fait qu'il fut rapporté dans plusieurs textes que Allah Azza wa Jalla fera sortir des peuples après l'intercession de tous les intercesseurs. Nous avons cité précédemment, et je vous renvoie à cela, dans cela, au livre de ce grand savant, Al-Sheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, qui a un livre qui s'appelle Al-Shafa'a, dont nous allons rappeler quelques passages ici. Dans ce livre, Al-Sheikh Muqbil rahimahullah rapporte tout ce qui est rapporté de manière authentique concernant les intercessions concernant les prophètes, les intercessions concernant l'intercession des anges, concernant l'intercession des croyants pieux, etc. Il fut rapporté de manière authentique dans plusieurs ahadiths qu'une fois que l'ensemble de ceux qui détiennent ces intercessions ont intercédé, il restera l'intercession de Arham Ar-Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, Allah tabaraka wa ta'ala. Après que l'ensemble des intercessions soient passées, il restera l'intercession du plus miséricordieux des miséricordieux, l'intercession d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il fera sortir un peuple de l'enfer qui n'aura jamais œuvré en bien, comme il est venu dans le hadith. Ils n'auront jamais œuvré en bien. Et bien sûr, l'ulama explique cela en disant qu'ils avaient la base de la foi. Aslul Iman, la base de la foi. C'est pour cela qu'ils étaient monothéistes et ils avaient la base de la foi. Mais comme il est venu dans le hadith, ils n'ont jamais fait de bien. Et cette intercession du plus miséricordieux des miséricordieux sera pour cela. Il les fera sortir de l'enfer et il les fera rentrer au paradis. Je vous renvoie dans cela afin de ceux qui peuvent donc étudier cela ou revenir vers cela. Après ce livre de Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, intitulé « Al-Shafa'a à l'intercession », je vous renvoie aussi vers plusieurs recherches qui ont été écrites par notre Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, sur son site, concernant les paroles des imams sur l'affirmation de Shafa'a, aussi les preuves concernant Shafa'a, l'intercession. Il a beaucoup de recherches concernant cela. Je vous renvoie donc vers ces recherches de cet imam, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Vous les trouvez toutes sur son site et dans cela il réfute Al-Khawarij et Al-Haddadiyya qui ont contredit les gens de la Sunna concernant cela. Je terminerai ici en citant en résumé, quelques paroles de Cheikh Muqbil, donc dans ce livre où il dit que les gens, je résumerai ici ces paroles, vous trouverez ces paroles que je résume dans l'introduction de ce livre. Il dit, ici je résume bien sûr comme je vous l'ai dit, il dit que les As-Soufiyya ont imputé aux gens de la Sunna qu'ils n'aimaient pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car les gens de la Sunna restent sur sa sunna sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qui est en relation avec Al-Shafa'a à l'intercession. Et les gens de la sunna ne sont pas d'accord avec Soufiya concernant leur exagération envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, ces derniers prétendent que les gens de la sunna n'aiment pas les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Et que eux seuls sont ceux qui les aiment. Car les gens de la Sunna ont été en contradiction avec eux dans leur manière de faire avec ces derniers. Et ceux qui exagèrent dans cela ont invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Comme cela, ils lui ont demandé son secours. Comme cela, ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala. Parfois, ils prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire entre eux et Allah. Parfois, ils prennent ceux qu'ils prétendent être des pieux des bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, Cheikh a parlé de Al-Khawarij. Donc il dit, comme je l'ai évoqué précédemment, qu'Al-Khawarij n'ont pas affirmé l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens des grands péchés, Ahlul Kabair, ceux qui ont commis des grands péchés parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas affirmé son intercession pour eux ou en leur faveur afin qu'ils sortent du feu pour rentrer au paradis. Car ces derniers voient que celui qui a commis des grands péchés est un mécréant qui sera éternellement dans le feu. Comme cela, Al-Mu'tazila, ils ont suivi Al-Khawarij dans cela, en disant que celui qui aura commis des grands péchés sera éternellement dans le feu. Celui qui aura commis des grands péchés et qui fera partie des gens du monothéisme, Al-Mu'ahidoun, ils disent que ces derniers seront éternellement dans le feu, comme cela la croyance de Ash-Shi'a. Et Cheikh Mourbel dit aussi que dans la croyance des gens de la Sunna, il y a aussi la contradiction de ce qu'on appelle Al-Murji'a. Al-Murji'a, car ceux qui ont exagéré dans cette croyance, Al-Irja, ont affirmé que il n'y a pas que les péchés ne nuisent en aucun cas à la foi d'une personne. Au moment où ils auront affirmé cela, il n'y aura donc pas lieu d'intercession pour les pécheurs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'ensemble rentreront au paradis du fait que l'ensemble ont une foi qui est pleine et complète. Voici la parole de Cheikh Mourbel, rahimahullah ta'ala, en résumé avec quelques commentaires de ma part, et je vous renvoie encore au cours de la semaine dernière concernant la croyance des gens de la sunna concernant al-shafa'a, l'intercession. Nous citerons ainsi que Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parle de l'Khawarij et de l'Mu'tazila, il dit que certains d'entre eux, certains parmi l'Khawarij, n'ont pas affirmé l'intercession, comme je l'ai dit précédemment. Ceci est la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il dit que certaines branches de l'Khawarij n'ont pas affirmé, sans condition, l'intercession. Et certains l'ont affirmé, mais n'ont pas affirmé certaines intercessions, en particulier celle qui sera pour ceux qui auront commis des péchés de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous terminerons ici concernant Al-Shafa'a par un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam muslim. Je vais essayer de faire une traduction approximative. Ce hadith est connu chez les gens de la sunna, ou chez les savants en tout cas, et les étudiants en sciences, comme étant le hadith rapporté par Yazid al-Faqir. Yazid al-Faqir, qui faisait partie de At-Tabi'in, qui dit, ce hadith se trouve encore une fois dans le Sahih de l'imam muslim. Il dit, je vais le traduire approximativement, il dit, j'avais pris un avis parmi l'avis de Al-Khawarij. Cette personne, Yazid al-Faqir. J'avais pris un avis, j'avais vu un avis parmi l'avis d'Al-Khawarij. Nous sommes donc parti, moi et un groupe, qui sont sur la même croyance que lui, un groupe qui était un groupe nombreux, comme il le dit, nous voulions faire le hajj, partir au hajj. Puis ensuite, il est venu dans le hadith, « Thumma nakhruja al-nas » Ici, « nakhruja al-nas » on peut comprendre qu'ils vont sortir contre les gens, ce qu'on appelle le khuruj, sortir contre le gouverneur, sortir contre les gens, on peut le comprendre comme étant le fait qu'ils vont sortir pour appeler à leur croyance après le hajj. Il dit, nous sommes donc passés par Al-Médina, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons trouvé Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu an abi, ce grand compagnon qui était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui donnait un cours. Il était assis contre un poteau. Et il rapportait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ou qui a parlé de ce qu'on appelle Al-Jahannamiyyin. Retenez bien ce mot, on posera la question à propos de cela. Al-Jahannamiyyun. Al-Jahannamiyyun. Ce mot vient de Al-Jahannam, qui est traduit communément par la GN, le feu de l'enfer, l'enfer. Al-Jahannamiyoun, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths, que ceux que j'ai rappelés précédemment, qui sont rentrés en enfer, parmi Al-Mouahidoun, parmi les monothéistes de la communauté du prophète Hassan, qui sont rentrés en enfer, puis qui en sortent, après l'intercession, après être devenus comme du charbon, et qui sont jetés ou qui sont déposés dans ce fleuve qui est le fleuve de la vie en enfer, au paradis, excusez-moi. Ces derniers sont appelés par les gens du paradis Al-Jahannamiyoun. Les gens du paradis les appellent comme cela, ceux qui sont rentrés en enfer jusqu'à être devenus comme du charbon. Ils les appellent Al-Jahannamiyoun. Donc, Jabir ibn Abdillah rappelle ce hadith ou ces hadiths parlant de Al-Jahannamiyoun. Et cette personne, Yazid al-Faqir, a dit, ô toi, compagnon du messager d'Allah, quelle est cette parole dont tu nous contes ou que tu nous racontes? Et Allah, Azza wa Jal, dit, donc ça c'est Yazid al-Faqir qui dit cela à Jabal ibn Abdillah, et Allah, Azza wa Jal, dit, ici il rapporte certaines ambiguïtés de Al-Khawarij. Il dit, Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Puis, il cita aussi cet autre verset, dans le sens approximatif de ces paroles. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Ici, Yazid al-Faqir rapporte des ambiguïtés de l'Khawarij. Il rapporte ces versets et il dit, quelle est cette chose que tu dis? Puis, Jabir de dire, que dis-tu toi? Ne lis-tu pas le Coran? Yazid de dire, oui, je lis le Coran. Puis, Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, de lui dire, est-ce que tu as entendu parler de Maqam Muhammad, al-Maqam al-Mahmoud, cette place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est évoqué dans Surat al-Isra, cette place que, ou cette station comme il est traduit, que Allah azza wa jalla aura accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce maqam al-Mahmoud a été expliqué par la grande majorité des savants comme étant cette shafa'a, cette intercession, la grande intercession, shafa'atul uzma, celle qui a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul à la détenir, celle que nous avons évoquée dans le cours d'aujourd'hui, lorsque ce dernier sallallahu alayhi wa sallam ira se prosterner devant Allah tabaraka wa ta'ala et restera le temps que Allah azza wa jalla a décidé qu'il reste, et il fera l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala, il l'invoquera jusqu'à ce que ce dernier lui dira, relève ta tête, demande, il te sera accordé, et demande, intercède, et il te sera accordé d'intercéder. Ceci est ce qu'on appelle le maqam al-Mahmoud. Donc il dit, Jabir ibn Abdillah dit à Yazid al-Faqir, ceci, cette intercession est le maqam, la station de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Mahmoud, par lequel Allah sort du feu qui il veut. Puis Jabir ibn Abdillah détailla ou parla de As-Sirat, le pont. Puis il parla du passage des gens sur le pont, ce qui se passe donc au jour du jugement, ou après le jugement. Puis Yazid de dire, j'ai peur de ne pas me rappeler de tout ce qu'il a dit. À part qu'il prétendit, donc Yazid al-Faqir dit, à part qu'il prétendit, j'ai peur de ne pas me rappeler de ce qu'il a dit, à part qu'il prétendit qu'il y aura un peuple qui sortiront du feu après qu'ils aient été dedans. Donc c'est ce qu'on appelle al-Jahannamiyoun. C'est-à-dire qu'ils sortiront comme s'ils sont devenus comme des grains de sésame qui auront été grillés. Puis ils rentreront dans un fleuve qui fait partie des fleuves du paradis, donc celui qu'on a rappelé précédemment comme étant Naharul Haya, le fleuve de la vie. Et ils se laveront dans ce dernier, et ils sortiront de ce dernier lavés et Ensuite, donc après avoir rappelé cela, cette rencontre avec Jabir ibn Abdullah et cette parole, Yazid al-Faqir dit, nous sommes revenus. Et j'ai dit à ceux qui sont, donc nous sommes partis, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, donc ce groupe qui avait cet avis, qui avait pris cet avis comme moi de Al-Khawarij, je leur ai dit, prenez garde, est-ce que vous voyez que ce cheikh, que cette personne âgée, ment sur le prophète, sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et nous sommes revenus, c'est-à-dire nous sommes revenus sur notre croyance concernant Al-Khawarij. Et pas l'un d'entre, il n'y a qu'une seule personne d'entre nous de tout ce groupe, où il l'a dit au début du hadith qu'ils étaient un grand groupe, un groupe nombreux, il n'y avait qu'une seule personne qui est restée sur cette croyance de nous tous. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.